Hey, t'as-tu aimé ça, travailler avec Denis Talbot sur l'émission Rocambolesque? Comment est-ce qu'il était, lui? Denis Talbot, c'est simple, Denis, c'est le gars qui m'a donné le courage de rester à la télévision. Parce qu'avant de faire Rapsité, j'ai fait une émission qui s'appelait Rocambolesque. Puis le monde avec qui je travaillais était tellement con, pour pas dire anti-rap, que sans Denis, j'aurais sûrement cogné quelqu'un, je serais parti. Je connaissais rien à la télévision, ça m'intéressait pas bien plus que ça, mais bon, je l'ai fait, je veux dire, ça faisait partie de mon travail. Mais Denis, c'est le gars qui m'a vraiment aidé, disons. Denis, c'est une star. Il est gêné un peu dans vie. Moi aussi, je suis timide un peu dans vie, mais je suis pas une star. C'est un vrai animateur de télévision, mille fois plus que moi. Peace à Denis, merci pour tout, et puis lâche pas dans tes aventures.